Bonsoir, Marie-Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Hélène d'Aest, Carthago. Tous les enfants de France ont traduit cette phrase guerrière prononcée, ou du moins attribuée à Caton l'Ancien, face au Sénat dans les années 150 avant notre ère. Ce fameux « il faut détruire Carthage » marque la guerre totale de Rome contre la cité-état phénicienne. Ainsi, sous une main de fer, Carthage fut anéantie, brûlée, puis rasée. Et après ? Après, c'est bien entendu le fameux trou noir de l'histoire, du moins de l'histoire de l'Afrique, une Afrique qui, par essence, ne peut avoir d'histoire. Toutefois, historiens et archéologues viennent, voici peu, de se réunir en conclave autour d'une grande question. Que sait-on des cités de l'Afrique du Nord, dans l'Antiquité tardive, des 3e, 7e siècles de notre ère ? Des cités auraient donc survécu ? Pour tout savoir sur l'Afrique tardo-antique, y croiser Saint-Augustin ou découvrir le passage pas si vandal des Vandales, Christophe Godard, bonjour. Bonjour Vincent Charpentier. Chargé de recherche au CNRS, organisateur de ce colloque, vous œuvrez actuellement dans le laboratoire d'archéologie de l'École normale supérieure. Christophe Godard, que se passe-t-il après la fameuse phrase de Caton et la chute de Carthage ? Eh bien, je dirais dans un premier temps pas grand-chose. Il faut attendre le règne des Flaviens, donc 69 après Jésus-Christ, pour voir vraiment décoller l'Afrique. L'Afrique est soumise au régime des provinces. Elle paye tribut à Rome, après avoir été conquise. On interdit un temps qu'elle y ait une véritable cité. Il faut des débats qui sont longs pour qu'on se décide à construire, reconstruire surtout Carthage, qui finit par être détruite. On doit ces projets au parti qu'on appelait le Parti des Populaires, qui n'était pas un parti et qui n'était pas forcément si populaire qu'on le dit. Bref, César et surtout Auguste, pour que cette cité reprenne ses droits de cité antique. Toutefois, il faut attendre vraiment le règne des Flaviens, donc la dynastie suivante, à partir de 69 après Jésus-Christ, à partir du règne de Vespasien, pour que véritablement l'Afrique décolle. Alors j'ai joué sur le mot Afrique, mais durant l'Antiquité, ce que l'on appelle Afrique ou Africa, ce n'est pas l'Afrique, c'est la Tunisie. Exactement, c'est-à-dire que le mot Africa en latin désigne grosso modo la Tunisie actuelle, un petit morceau de l'Algérie, un petit morceau de la Libye. Alors que deviennent les populations phéniciennes ? Que deviennent les populations puniques ? Alors elles ne partent pas. Il faut imaginer que la colonisation antique de ces régions n'est pas la colonisation européenne du XIXe siècle. On n'a pas fait partir ces populations, on les a certes soumises, on les a surtout soumises à un régime d'organisation politique un peu particulier, qui dans le cas de cette Afrique punique, de cette Afrique libyque et de cette Afrique numide, n'était guère difficile puisqu'elles connaissaient déjà le régime de la cité. Alors, il faudrait déjà commencer par dire ce qu'est une cité. Une cité, ça n'est pas une ville. Une cité, c'est souvent plusieurs villes autour d'une capitale. C'est une sorte de petite principauté. Le modèle qu'on pourrait avoir en tête serait Monaco, par exemple. Donc, vous pouvez avoir une ou plusieurs entités urbaines. Et puis, un territoire. Un territoire qui fait pleinement partie de la cité et qui est un territoire, évidemment, souvent rural. Voilà. Donc ça, c'est ce régime-là que Rome veut imposer partout. Chez nous, en Gaule, en quelque sorte, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque ce régime-là n'existait pas vraiment, enfin, sauf dans le sud de la Gaule, mais c'est déjà les Romains qui l'avaient imposé. En Afrique, c'est tout à fait différent. Ce qui explique aussi très certainement le retard du développement proprement romain de ces cités, qui attendent donc presque 70 ans par rapport aux autres cités pour se développer véritablement. Et ensuite, il faut attendre le 3e siècle, qui est vraiment une époque de développement absolument extraordinaire, et une époque qui a été décrite par la plupart des spécialistes très longtemps comme une époque de crise. On parle dans tous les manuels, les anciens manuels, plus aujourd'hui, mais on parlait de la grande crise du IIIe siècle qui aurait branlé l'Empire et promis à la décadence qui serait tombée comme un fruit mûr sous ce qu'on appelait le Bas-Empire. Donc les choses sont un petit peu différentes. On s'en rend compte en lisant les textes, en regardant les fouilles archéologiques, les résultats qui ont été donnés en Afrique, qui sont assez intéressants. Les inscriptions aussi, on écrit beaucoup sur pierre. Enfin, tous ces différents documents nous montrent, au contraire, une Afrique qui se développe beaucoup à un moment où elle aurait dû rentrer en crise, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ. Dans l'époque qui nous concerne aujourd'hui, disons-le, il y a un problème de vocabulaire. J'y ai découvert le Bas-Empire, le Tardo-Antique, voire encore mieux le Paléo-Chrétien. Tout ça, c'est la même chose ? C'est la même chose et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose en termes de chronologie. En gros, nous parlons des 3, 4e, 6, 7e siècles. Donc c'est une période assez... sujet de notre colloque. Donc c'est une période effectivement assez longue. Alors la raison pour laquelle on ne parle plus de Bas-Empire aujourd'hui est double. D'abord, une question de principe en quelque sorte, le 4e siècle, autant que le 3e, et plutôt et particulièrement en Afrique, une période de développement. Peter Brown, qui est l'inventeur du mot « antiquité tardive », enfin de l'expression, parle même d'un âge d'or. D'un été indien. Donc on a effectivement une expression qui est assez malheureuse pour cette période. Il y a aussi un autre problème qui n'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est que cette antiquité tardive est une période qui va concerner des territoires romains qui restent romains et des territoires romains qui ne le sont plus. Ça ne veut pas dire pour autant que ces territoires vont perdre toute identité romaine, ne vont pas être attachés à la culture romaine, mais ils ne sont plus proprement dans l'Empire. Et le cas des Vandales est à cet égard extrêmement intéressant, puisque c'est le premier véritable royaume indépendant qui se revendique en quelque sorte comme indépendant, du moins c'est ce que pensent les chercheurs aujourd'hui, c'est ce qu'a montré en particulier récemment Yves Modéran. Eh bien, ce royaume se voit aussi comme vraiment profondément latin et de culture latine et romaine, je veux dire au même titre que des Italiens d'Italie, enfin, ou des gens du sud de la Gaule qui, eux, vivaient toujours sous l'Empire au même moment. Christophe Godard, est-ce que l'on travaille sur le tardo-antique ? Toutes les recherches archéologiques ou non, d'ailleurs, ne sont-elles pas en retard par rapport à ce que l'on peut faire ailleurs ? Non, elles ne sont pas du tout en retard. Non, elles sont pas, elles, même si un tardo antiquisant, évidemment, par rapport aux autres, toujours un peu en retard par définition. Historiographiquement, non. Je crois d'ailleurs le contraire. L'antiquité tardive a quelques problèmes. Et c'est particulièrement vrai en archéologie. Parce qu'il s'agit quand même de parler un peu d'archéologie. Comme vous le savez, les grands sites d'Afrique du Nord, qui se trouvaient donc être soit des colonies, soit des sous-protectorats français, ont été fouillés par des Français. À une époque où l'intérêt pour l'Antiquité tardive n'était pas absolument manifeste. Un certain nombre de spécialistes intéressés aux églises, à commencer par Paul Gauclair, l'extrême fin du 19e, début du 20e siècle. Mais voilà, pour eux, effectivement, l'Antiquité tardive, elle était chrétienne. On était dans le paléo-chrétien, comme vous disiez tout à l'heure. Le problème, c'est que lorsque les fouilles sont engagées, lorsque les couches qui sont les plus modernes, donc en particulier les couches médiévales et tardo-antiques disparaissent, ce qui a disparu disparaît à jamais. Et cette donc destruction scientifique de cette information, il est difficile de la reconstituer. Alors là où nous sommes véritablement en retard, et nous l'avons été longtemps, d'un point de vue archéologique, et ça de façon, disons, très récente, c'est que jusqu'à la publication en 1972 de John Hayes, nous n'avions pas de catalogue de vaisselle fine, de vaisselle de luxe semi-luxe, qui nous sert de fossile directeur pour dater les couches. Nous n'avions pas ça. Nous commençons à avoir ça maintenant, à partir de 1972, ce qui veut dire que tous les travaux qui précèdent 1972 en Afrique du Nord, et ils ont été nombreux, évidemment, ne pouvaient pas dater avec précision le matériel dont on savait bien qu'il était tardif parce qu'il se trouvait dans des couches où se trouvaient des monnaies tardives, mais on ne pouvait guère être très précis sur cette évolution. Donc voilà, on était capable de dire que telle et telle couche, telle et telle destruction ou telle et telle construction, parce qu'on construit encore à l'époque tardive, datait bien du 4e, 5e, mais il était difficile d'être plus précis. Christophe Godart, pour vous, cette période tardo-antique, c'est une période tout à fait passionnante, bien moins rasante que le deuxième siècle, notamment celui d'Antonin le Pieux. Mais oui, pourquoi travailler sur Antonin le Pieux ? Non, je plaisante. La, oui, c'est vrai qu'Antonin le Pieux est pas le siècle le plus, le siècle d'Antonin est pas le plus, bon, de mon point de vue, le plus passionnant. Ce qui est intéressant pour cette époque extrêmement troublée, parce qu'il faut le dire, on a voulu enjoliver un peu cette époque tardive, cette fin d'empire, cette dislocation d'empire, même si elle a eu un quatrième siècle heureux, elle a eu un cinquième siècle quand même compliqué, un sixième siècle désastreux, eh bien cette période est extrêmement riche pour la documentation. D'abord, on a des sources littéraires absolument abondantes, qu'on n'a pas fini ni de dépouiller ni d'éditer. On a finalement encore beaucoup d'inscriptions qui forment une grosse masse de documentation. Et puis l'archéologie, grâce à ces nouveaux instruments que nous avons de mesure, notamment la céramique, nous permettent de donner de nouveaux éléments tout à fait étonnants. Que sait-on des cités romaines du Maghreb ? Quels sont d'ailleurs leurs liens avec Rome ? Alors, il faut imaginer que l'Empire romain est fait d'un ensemble de cités. Comme l'a montré Claude Le Pellet, qui est l'un des plus grands historiens français spécialistes de l'Afrique romaine et spécialiste donc de l'Antiquité tardive, il faut compter à peu près 500 cités, disons au 5e siècle, on a à peu près 500 cités sur l'Afrique du Nord, hein, en Afrique du Nord. C'est énorme. C'est énorme. Alors comment on le sait ? C'est quand même une question, parce qu'on les connaît pas toutes, parfois on n'a qu'un nom. Alors on le sait en particulier grâce aux actes de concile, notamment à un grand concile qui a eu lieu à Carthage en 411, où sont convoqués un certain nombre d'évêques. On sait que manquent à l'appel beaucoup d'évêques qui viennent de Maurétanie, notamment de Maurétanie dite Tingitane, qui correspond au nord du Maroc actuel. Hein, la Maurétanie Tingitane et la Maurétanie de Tingi, c'est-à-dire de Tanger. Donc eux ne peuvent pas se déplacer. Mais il n'y a pas beaucoup de cités romaines. Alors, on compte pas moins de 400 évêques, 400 évêchés, disons, pour être précis, plutôt qu'évêque, un peu plus de 400 évêchés dans ce concile. Donc on pense qu'on est autour d'à peu près 500 cités, sachant qu'il y a à peu près un évêque par cité. Donc voilà les chiffres que nous avons. Et la connaissance souvent qu'on a d'ailleurs de l'Afrique romaine, y compris du Haut Empire, vient de sources tardives. Les archéologues sont-ils toujours sur le terrain ? Carthage, par exemple, a été surtout fouillée dans les années 70-80 ? Alors oui, Carthage a été fouillée dès les années 1890. Le grand démarrage des fouilles en Afrique du Nord commence avec Paul Gauclerc. Alors, bon, il y a eu des choses avant, il y a évidemment beaucoup de choses après. Voilà le grand moment. Mais comme je le disais, pour ce qui nous concerne, nous, pour l'époque tardive, nous n'avions pas d'instruments de mesure pour pouvoir parler de cette phase, de cette dernière phase de ces cités. Tout va changer avec la grande fouille patronnée par l'UNESCO des années 70-80, pour plusieurs raisons. La première est qu'on commence à disposer d'instruments de mesure, que livre John Hayes. La deuxième est que cette fouille, patronnée par l'UNESCO, est une fouille internationale et qu'une génération d'archéologues absolument extraordinaires, français, je pense à Pierre Gros en particulier, mais aussi à beaucoup d'autres, Yvon Thébert, se retrouvent parfois très très jeunes, à travailler ensemble avec des collègues italiens, Filippo Quarelli. Bref, tout le monde se retrouve un peu là et donc invente une nouvelle façon de faire l'archéologie. Donc c'est né à cet endroit-là. Et en plus, on a ces instruments de mesure qui nous permettent de voir ce qui se passe à la fin de l'Antiquité. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à Carthage ? Alors ce qu'on trouve à Carthage, et pour répondre à la question que vous posiez, c'est est-ce qu'on trouve encore des choses à Carthage ? Oui, on trouve encore des choses à Carthage. Alors il est vrai que depuis les événements qu'ont connus l'Afrique du Nord très récemment, il est compliqué d'y travailler. Il y a des équipes qui y travaillent. Andrew Wilson, Lisa Fentress ont récemment travaillé à Utique. Mais les travaux auxquels je vais me référer datent, disons, il y a une dizaine d'années, ce qui est assez court. Hein. Bon. Alors, le constat sur Carthage est assez compliqué. à faire. Parce que ce constat a souvent été guidé, disons, par l'évolution de l'historiographie. On a voulu montrer que les Vandales n'étaient pas si vandales que ça. Donc on s'est attaqué à la colline de Birsa, où se trouvait le forum, la grande place publique, et finalement on a trouvé que cette place publique n'était pas en si mauvais état à l'époque vandale. Du moins, c'est ce qu'on pensait dans un premier temps. Une fouille qui a eu lieu au pied de la colline de Birsa, qui a été publiée l'année dernière par Richard Miles, une fouille anglaise de l'université de Cambridge, qui s'attaquait à une basilique qui se trouve au pied de cette colline. Donc dans cette zone du centre le plus important de la cité de Carthage, eh bien, trouvait aussi effectivement qu'il y avait eu plutôt des réparations début 5e siècle, c'est au moment où les Vandales étaient présents, enfin ils arrivent à Carthage en 439, mais ça avait l'air de correspondre plus ou moins à une période de stabilisation de la cité. Donc les Vandales n'avaient pas fait grand-chose dans la cité, n'avaient pas vraiment abîmé, c'était un peu les premières conclusions. Le problème, c'est qu'on a d'autres éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est ce qu'a montré en 2005 Anna Leone, qui est une collègue italienne de l'université de Durham, qui, elle, a travaillé sur la présence de tombes un petit peu partout dans le centre de la cité, et a pu montrer que la période vandale, et aussi la période un petit peu précédente, et la période byzantine est une période où on voit se multiplier les tombes dans la cité. C'est une période de guerre assez régulière, de conflits internes, de conflits externes. On fait des morts, on se réfugie derrière les murailles dont s'est doté Carthage pour la première fois depuis la destruction de la cité en 546. On les construit en 429, très certainement pour se protéger des Vandales qui sont sur le point d'arriver. Même s'ils vont mettre 10 ans à arriver devant les portes de Carthage. Voilà, on a des tombes un petit peu partout, y compris sur des espaces publics. Donc on a une cité qui se dégrade très, très clairement. Il y a des reprises, il y a effectivement des travaux qui sont faits à l'époque vandale, ça on le voit. On le voit moins à Carthage que dans une autre cité, à Cherchel, en Maurétanie dite césarienne, donc plus à l'ouest, où là, effectivement, on a une restauration du forum, de la place publique la plus importante, à l'époque vandale, d'après les travaux de Timothy Potter. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Venus du Nord, les Vandales entreprennent une grande migration qui les mène en France, en Espagne, mais surtout au Maghreb. Nous sommes dans les années 439. Cela durera à peu près un siècle. Quelles sont les spécificités de ce royaume, le royaume vandale d'Afrique ? La première spécificité de ce royaume, je dirais que c'est une spécificité historiographique. C'est une boîte à fantasmes. Il y a une expression de Jean-Michel Carrier qui est très très belle. Jean-Michel Carrier, l'un de nos plus grands historiens et spécialistes de l'Antiquité tardive, il avait une expression tout à fait juste. Il disait, voilà, l'Antiquité tardive est le miroir des névroses de notre siècle. C'est particulièrement vrai pour les Vandales. C'est-à-dire que l'on imagine des choses, on veut pouvoir le prouver sur le terrain, et puis finalement on a des surprises, et le constat qu'on a sur eux est plus nuancé. Alors qu'est-ce qu'on sait d'eux finalement ? C'est une population germanique. On sait que cette population germanique est constituée de deux groupes, un qui s'appelle les Asdingues et l'autre qui s'appelle les Silingues. Quelle est la différence entre eux ? C'est extrêmement difficile à dire. Viennent-ils de zones géographiques différentes ? C'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent la plupart des spécialistes. Et il faut bien le dire, tout cela absolument sans preuve documentaire réelle, si ce n'est quelques vagues allusions dans certains textes. Et quand je dis vagues, ça devient extrêmement vague. On imagine en général que, si vous voulez, les Vandales viennent d'une zone qui va du sud de la Pologne actuelle, qui mord un peu sur l'Ukraine, hein, près de la Vistule, et qui va jusqu'à sans doute les Sudètes. Au milieu, il y a d'autres peuples. En fait, la cartographie de ces peuples, on la connaît mal. Et du coup, les origines et l'identité ethnique de ces populations, on les connaît mal aussi. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces groupes qui arrivent en Afrique n'arrivent pas, ce ne sont pas que des groupes uniques. Par exemple, les Vandales arrivent avec les Alains. Quel est le rapport entre les Vandales et les Alains ? En fait, on ne sait pas vraiment. 80 000 âmes, dont 20 000 soldats, c'est bien ça ? On n'en sait rien. Ce qu'on a comme chiffre, effectivement, c'est 80 000 personnes franchissent le détroit de Gibraltar. Je dis bien personnes, c'est-à-dire des femmes, des enfants. Là-dessus, on se dit, sur ces 80 000, peut-être qu'on avait 20 000 soldats. En fait, on n'en sait rien, on n'a pas de chiffre. Donc ça, c'est un problème compliqué. On ne sait pas combien ils sont. Ils ne sont pas très nombreux, manifestement, et ils arrivent à écraser... Ce petit nombre arrive à écraser une armée africaine, romaine, assez importante, manifestement. Pourquoi ? Difficile à dire. Qu'est-ce que les archéologues cherchent ou cherchaient sur les Vandales ? Une recherche empreinte d'idéologie ? Absolument. Ils ont cherché plusieurs choses. La première chose sur les Vandales ne se passe pas en Afrique. L'intérêt pour les Vandales en Afrique date des années 1950. Date de Christian Courtois. Avant, qu'est-ce qu'on cherche ? Des choses, ma foi, pas toujours très belles. Un historien allemand, Jan, voulait prouver, par exemple, que les Vandales avaient formé un empire assez important, qui mordait sur la Pologne, qui mordait sur les Sudètes. Jan vivait à l'époque de l'Allemagne nazie, et n'était pas complètement contre l'idéologie... leur idéologie répugnante. Et donc, c'est lui plutôt entiché de vouloir prouver qu'il y avait effectivement une présence donc germanique dans ces zones, justifiant évidemment les prétentions territoriales de l'Allemagne nazie. Ça, c'est la première chose. Lorsque les Français s'y intéressent, ils s'y intéressent, notamment Christian Courtois, parce qu'ils essayent de comprendre comment l'Empire romain a perdu. Et à mesure que l'indépendance va se mettre en place, que les indépendances des pays d'Afrique du Nord vont se mettre en place, on essaie de comprendre aussi pourquoi nous-mêmes n'avons pas vu et bien compris et perdu cette zone. C'est particulièrement manifeste dans un livre qui a été publié en 1976 de Marcel Benabou, La résistance à la romanisation, qui voyait les Africains comme ayant finalement résisté à la romanisation et qui, puis débarrassés des Romains, avaient embrassé... ces conquérants arabes qui partageaient au moins avec eux un certain monothéisme. Bon, cette vision-là aujourd'hui est combattue et d'ailleurs est fausse, mais et du moins en tout cas extrêmement simpliste. Mais voilà. Et donc cet intérêt pour les Vandales est un intérêt voilà pour cette dislocation de l'empire. Comment cet empire s'est disloqué ? Et finalement. Pourquoi se revendiquer de culture latine quand on est vandale et en même temps ne pas vouloir rester dans l'Empire ? Justement, les Vandales sont-ils presque des Romains ou du moins aspirent-ils à une vie romaine ? Leur roi Genséric, très certainement. Le roi Genséric est très connu pour une chose en général, et ce depuis fort longtemps, c'est pour le sac de Rome. En 455, il met Rome à sac. Bon, c'est pas le premier, puisque Alaric Ingo l'avait fait en 410. Mais le sac de 455 a été manifestement beaucoup plus violent. Bon, ça c'est une image en quelque sorte d'Épinal. C'est vrai d'ailleurs qu'elle a dû être, nous disent les sources, particulièrement violente. Mais la raison, c'est pourquoi finalement est-il venu faire à Rome ? Pourquoi s'est-il déplacé d'Afrique ? A-t-il pris ces risques ? Ben, c'est pour une affaire de famille. Genséric voulait marier son fils, Hunéric, à la fille de l'empereur, Valentinien III. L'empereur Valentinien III, en 455, est assassiné. Et le nouveau usurpateur, enfin le nouvel empereur, qui s'appelle Pétron Maxime, trouve que ce mariage est une mauvaise idée. Genséric est furieux. Il voyait bien son fils Hunéric comme, on imagine, éventuellement un prétendant au trône. Ça ne marche pas. Le plan est évidemment écarté. Quel qu'il ait été exactement, c'est pas très clair. Toujours est-il qu'il est furieux et, nous disent les textes, se considère comme délié de tout lien avec l'Empire qu'il avait promis de protéger. C'est la grande chose que les conquérants barbares de l'époque faisaient. On signait un traité avec l'Empire. On se voyait concéder des terres et en échange, comme fédérés, on mettait son armée à disposition de l'Empire. Bon, c'était une sorte de modus vivendi qu'avait trouvé l'Empire au 5e siècle. Eh bien, les Vandales ne se satisfont pas du tout de ce système. Et Genséric décide manifestement, nous disent les textes, de construire vraiment un royaume totalement indépendant, lié par un autre type de contrat. Il se considère comme un allié du peuple romain à part égale. Donc on a la naissance d'un vrai et premier royaume indépendant qui se dit de culture romaine et latine et qui devient indépendant simplement parce qu'on ne lui ouvre pas la porte de la direction de l'Empire. Les Flaviens avaient été une rupture dans l'histoire de l'Afrique romaine. Les Vandales en sont-ils une aussi ? Ils en sont une, mais pour des raisons différentes de celles qu'on imaginait auparavant. L'une des ruptures, qui est d'ailleurs n'est que partielle, est économique. L'Afrique, c'est le grenier à blé de Rome. C'est le grenier à blé de Rome, et ce système est un système intéressant, surtout pour nous qui, aujourd'hui, voyons nos politiques critiquant l'existence même des impôts en France. C'est cet impôt fiscal qui imposait donc aux provinces, et en particulier à l'Afrique du Nord, de donner du blé à Rome, qui a provoqué un développement économique extraordinaire des provinces africaines. On était obligé effectivement de fournir gratuitement en quelque sorte du blé, mais on profitait évidemment de ces allers-retours pour vendre du blé. Tout n'était pas donné. Et donc c'est cette production, cet appel d'air qu'a créé la fiscalité a été l'une des raisons de ce développement. Lorsque l'on ne veut plus verser ce blé fiscal à Rome, évidemment, la demande qui est faite localement est plus faible. Elle n'est pas inexistante. Hein, les travaux archéologiques là-dessus ont donné des résultats tout à fait intéressants, notamment ceux de David Mattingly, qui a montré que, même encore à l'époque vandale, on continue à exporter. Hein, alors, comment est-ce qu'on le mesure techniquement ? Eh bien, on retrouve des amphores fabriquées en Afrique, encore dans le bassin méditerranéen. Notamment au Kosovo, vous travaillez ? Notamment au Kosovo. Qu'en est-il des religions entre paganisme et christianisme ? Ce christianisme est-il d'ailleurs une rupture ? Alors ça, c'est une chose importante. On a longtemps vu le christianisme comme étant la raison de la chute de l'Empire. Cette lecture nous vient des historiens protestants. C'est ce qu'a montré un historien italien, Santo Mazzarino, qui a montré, en particulier en étudiant un historien du XVIIIe siècle qui s'appelle Lovenclave, qu'il s'agissait de montrer que l'Empire romain, se jetant dans les bras d'un empereur chrétien, organisant une sorte d'église catholique, le mot est complètement anachronique évidemment pour l'époque, eh bien, le christianisme s'était doté d'un versant politique, avait passé un contrat avec un État, ce qu'il n'aurait jamais dû faire, et avait donc perverti le message originel du christianisme. Ça, c'est la vision qui explique qu'on avait l'idée que le christianisme s'était retrouvé perverti par l'État et inversement avait lui-même perverti l'État et brisé l'équilibre politique, culturel et social originel. Nous savons aujourd'hui que cette vision est complètement erronée. Le christianisme n'a pas freiné ou mis en danger l'Empire romain. La question n'est pas là. Dans ce christianisme, nous ne pouvons pas laisser sous silence un des quatre pères de l'Église occidentale, Augustin d'Hippone. Absolument. Augustin Hippone a écrit énormément, c'est une source fondamentale pour, en tout cas pour le IVe siècle, la fin du IVe siècle et le début du Ve siècle. Je rappelle qu'il meurt à Hippone au moment où la ville est sous siège, où les Vandales campent devant les portes. Donc c'est une mort tout à fait symbolique. C'est une œuvre immense. Vous savez, Isidore de Séville disait « Toute personne qui me dira que j'ai lu tout Augustin, celui-là, je le tiendrai pour un menteur. » Alors, ce qui est extraordinaire avec cet auteur, c'est que c'est quelqu'un qui, on le voit bien d'ailleurs, y compris dans son style et dans ses sermons, essaye de parler aux gens en leur tenant un discours qu'ils peuvent comprendre. Il parle beaucoup de vie économique, il parle beaucoup de la vie des marchands. Donc il nous éclaire énormément sur la vie de tous les jours, la vie quotidienne en Afrique. Christophe Godard, merci beaucoup. Je vous remercie. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 tentera de voir où commence l'histoire, où s'arrête l'archéologie.